Vous écoutez la radio Isanganiro, bonjour et bienvenue à ce journal. Au sommaire de cette édition, évaluer comment les associations sans but lucratif fonctionnent et l'objectif de la réunion qui se tient ce mercredi à Kayanza entre le ministre de l'Intérieur et ses associations. Une étude de fonctionnement de ces associations sera bientôt menée, mise sur pied pour leur évaluation. L'exportation et l'importation des cultures seront désormais réglementées par un document spécifique du ministère en charge de l'Agriculture, un document qui sera délivré à partir du mois de janvier de l'année prochaine dans le cadre du guichet unique électronique. Les détails, c'est dans ce journal. Dans la chronique par le rassurement de ce mercredi, nous nous entretenons sur la façon de créer des témoins actifs en milieu scolaire pour lutter contre les messages de haine. Voilà pour l'essentiel. Albert Ndouaï assure la mise en onde. À la présentation, vous êtes avec Armel Moutori. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Une réunion d'évaluation de la mise en application des recommandations issues de la réunion tenue au mois de mars cette année par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique à l'intention des associations sans but lucratif au Burundi se tient ce mercredi au chef-lieu de la province Kayanza. Martin Nineretse, secrétaire permanent au ministère, au sein de ce ministère, indique qu'une étude de fonctionnement de ces associations sera bientôt menée et que consécutivement, ceux qu'il s'avère ne pas participer convenablement au développement communautaire de la population se verront suspendus de leurs activités. Une femme octogénaire originaire de la colline Nyabikaranga de la zone Kawuye en commune et province Kayanza est morte tuée par lapidation, accusée de sorcellerie l'après-midi de ce mardi. Les informations sur place qui sont confirmées par l'administration communale à Kayanza disent que ce forfait a été commis après que la victime ait été trouvée chez le domicile d'un voisin avec un sachet rempli de gris-gris. L'administrateur de la commune Kayanza indique que les présumés coupables de cette tuerie ont pris le large après avoir commis l'acte, mais qui sont toujours recherchés pour être traduits en justice. Gilbert Nyandgu appelle la population à couper court avec la justice populaire, mais de faire plutôt recours aux instances judiciaires chaque fois que de besoin. Toujours en page sécurité, la population de la commune Kayokwe en province Mwaro est appelée par les responsables administratifs et policiers de cette commune à veiller sur la sécurité à l'approche des fêtes de fin d'année. L'arrêt de toute circulation à 18h du soir pour les conducteurs de taxi-moto et la redynamisation des comités mixtes de sécurité sont certaines des mesures prises par l'administration en vue de sauvegarder la sécurité. Ces mesures ressortent d'une réunion de sécurité tenue par l'administrateur et le commissaire communal de police de la commune Kayokwe à l'endroit des habitants du chef-lieu de la province Mwaro l'après-midi de ce mardi. Laurent Dikourio depuis Mwaro. Selon l'administrateur de la commune Kayokwe, Honoré Hatungimana, les comités mixtes de sécurité regroupant les personnes de différents partis politiques, de différentes confessions religieuses et de différentes ethnies doivent être redynamisés pour être plus opérationnels. En cette période où les fêtes de fin d'année approchent, les conducteurs de taxi-moto ne doivent pas dépasser 18 heures. Une mesure émanant de l'administration provinciale de Mwaro, selon toujours l'administrateur de la commune Kayokwe. Il ajoute que ces conducteurs de taxi-moto doivent respecter la loi en ne transportant qu'un seul client sur une moto, car ces jours-ci, certains conducteurs de moto peuvent transporter deux ou trois clients. Ceci risque d'entraîner des accidents, selon Honoré Atonimana, administrateur de la commune Kayokwe, et précise en outre que ces derniers doivent disposer des documents exigés, en l'occurrence le permis de conduire. Ce responsable de l'administration de la commune Kayokwe demande également aux commerçants, surtout ceux des boissons braroudies, de ne pas s'adonner à la spéculation sous peine de s'exposer aux amendes. Quant au commissaire communal de la police à Kayokwe, il indique que la sécurité est une affaire de tout le monde. Il rappelle aux habitants du chef-lieu de cette province de Mwaro ainsi que ceux des collines environnantes que la lutte contre les boissons prohibées reste toujours de rigueur. De Mwaro, Laurent Dikuri, Radio Isanganiro. Merci Laurent Ndikouli. Aux pages agriculture à présent, un document réglementant l'importation et l'exportation des cultures sera disponible et utilisé à partir du mois de janvier de l'an 2022. dans le cadre du guichet unique électronique. Lors d'un point de presse de ce mercredi, le ministre ayant en charge l'agriculture précise qu'un gain de temps, un bon contrôle des importations et exportations sont des avantages de ce nouveau système. Déogu de Rurema souligne que chaque opérateur économique devra se faire enregistrer au ministère de l'Agriculture pour bénéficier de ce nouveau système. Suivez-le dans ses propos recueillis par Ornella Mucho. Des documents qui étaient jusqu'ici délivrés manuellement sur papier seront désormais délivrés électroniquement dans le système de guichet unique électronique. La question de la facilitation des échanges est actuellement une préoccupation de la politique des gouvernements du monde entier, dont celui du Burundi fait partie. Des différents outils ont été développés à cette fin par les organismes internationaux, notamment le guichet unique électronique. Pour que notre pays puisse avancer au rythme des autres pays, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a sollicité l'appui technique de l'Office burundais des recettes, OBER, sur le financement de Trademark East Africa et le travail exécuté par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, CNCED. C'est dans ce cadre qu'un document intitulé « Permis d'importation au ministère » a été développé et est prêt à être mis en production dans le cadre du guichet unique électronique dès le mois de janvier 2022. Les opérateurs n'auront qu'à fournir les données qu'une seule fois et dans un seul système. Permet d'assurer la sécurité des données car les papiers utilisés peuvent être falsifiés, ce qui met en péril l'information sur les documents et cela peut entraîner des transactions illégales avec l'entrée sur le territoire des produits dangereux pour la santé de l'homme, des animaux et des végétaux, voire même la sécurité du pays, et permet un bon contrôle des importations et exportations. Pour accéder à cet outil, chaque opérateur économique devra avant tout se faire enregistrer au Minéagri en vue d'obtenir le numéro d'enregistrement qu'il apportera à l'OBER. Le demandeur devra ainsi annexer à sa demande les documents exigés pour chaque catégorie de produits. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13 heures passées de 5 minutes dans les studios de la radio Isanganiro. Poursuivons avec ce journal. Certains parents de la province Changuzo ne voient pas la nécessité de parler à leurs enfants sur le passé douloureux qu'a connu le Burundi. D'une part, ils trouvent que c'est une façon de semer les divisions. D'autre part, ils comprennent qu'il faut bien expliquer aux enfants le passé tragique que les parents ont vécu, de sorte que ce passé ne se reproduise plus. Elie Nibel Nibigira. Simon Nibigira de la colline Mouhouez en province de Changuzo est sexagénaire. En tant que parent, ils n'ont jamais cessé de parler à leurs enfants que les Hutus et les Tutsis se sont divisés sans aucune raison valable. Nous avons constaté qu'on avait tort. Nous leur expliquons qu'il y a eu des guerres interethniques entre Hutus et Tutsis, alors qu'il n'y a pas de motif valable. C'était des frères qui partageaient même la fontaine, mais ils se battaient pour rien. Même cette vieille femme, septuagénaire en commune Gisagara, trouve qu'il ne faut pas cacher la vérité aux enfants. Est-ce que nous pouvons nous empêcher de raconter l'histoire à l'enfant? Ce sont des intérêts personnels qui causaient des conflits divisionnistes. Cependant, Donatien Mayugi n'est pas de même avis. Selon lui, ça n'avantage en rien de partager aux enfants et petits-enfants le passé douloureux. Il ne faut pas enseigner aux enfants et aux petits-enfants ce genre d'histoire car cela cause des divisions au sein des enfants. C'est pourquoi c'est interdit de partager le passé à l'enfant. Nous l'avons tous appris à l'âge adulte, mais raconter que c'est elle qui a tué ton père, je crois que ça n'a pas de plus-value. Nonobstant, ils convergent sur la nécessité de fournir des explications aux jeunes pour que les événements malheureux du passé ne se reproduisent jamais. Elie Nibel Nibigira. Les mesures de prévention contre la COVID-19, notamment le lavage des mains avec du savon dans les lieux publics comme les marchés, sont respectées par certains, mais ignorées par d'autres. Dans certains marchés de la mairie visités ce mercredi, des dispositifs de lavage des mains sont disponibles à l'entrée. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro souhaitent la multiplication des sensibilisations au lieu d'être taxé en cas de non-respect de ces mesures. Parle, rassure-moi. Dans la chronique d'aujourd'hui, nous vous parlons de la façon de créer des témoins actifs pour lutter contre les messages de haine en milieu scolaire. Selon le psychologue Rodolphe Baragnidi-Guillé, la famille est le principal milieu de socialisation de l'enfant. Mais il dit que l'enfant peut être influencé par d'autres milieux. Aubin Nyonghuru. Par excellence, la famille est le principal milieu de socialisation de l'enfant. Mais selon Rodolphe Baragnidi-Guillé, il y a d'autres milieux qui peuvent influencer le comportement de l'enfant. La socialisation commence généralement par la famille. Parce que la famille est le milieu par excellence où l'enfant doit recevoir une éducation de base. Puis, à part la famille, ce n'est pas la famille qui s'occupe uniquement de l'enfant. L'enfant, une fois qu'il a atteint l'âge scolaire, il va à l'école. Et s'il va à l'école, ce sont effectivement les responsables de l'école, que les enseignants, qui s'occupent de l'éducation de l'enfant. À ce moment-là, on doit veiller sur enseigner à l'enfant ou donner à l'enfant un comportement qui lui permettra d'être un bon citoyen pour qu'il ne puisse pas se comporter d'une manière qui déshonore sa patrie ou son pays. Concernant la transmission des messages de haine, le psychologue dit qu'en principe, le milieu scolaire n'est pas fait pour cela, mais que ça peut arriver par inadvertance des responsables scolaires. Je ne peux pas l'affirmer directement, mais ça peut arriver. Pourquoi ? Parler que le milieu scolaire peut être un milieu où on peut véhiculer le message haineux, ça signifierait que les responsables de l'école n'ont pas été vigilants pour laisser passer ceci, cela. Mais cela peut provenir, c'est-à-dire la compagnie des gens, c'est-à-dire les pères, lorsqu'ils parlent entre eux-mêmes et qu'ils se transmettent des messages haineux, ça peut arriver. Mais si cela arrivait, je crois que ça peut l'être à l'insu des responsables, à commencer par les responsables de l'école, qui réellement sont très vigilants. Parce qu'en fait, une des missions de l'éducation, c'est de former des bons citoyens. Et si cela arrivait qu'un élève fréquente un milieu scolaire intoxiqué, Rodolphe Baragnidi-Guillé fait savoir qu'il y a moyen de corriger ses mauvaises pensées. Les deux milieux, je veux dire l'école comme la famille, doivent conseiller d'abord l'enfant. Lui montrer que le comportement qu'il est en train d'apprendre, c'est un comportement dangereux pour la nation. Et maintenant, il faudra que les parents donnent des explications pour le désintoxiquer. Et les parents, comme les responsables de l'école, vont voir si réellement l'enfant a changé. S'il n'a pas changé, ses parents doivent songer à une étape un peu supérieure, celle de le punir pour le dissuader d'adopter un tel comportement. Il interpelle et les parents et les responsables scolaires d'apprendre les enfants à vivre en harmonie avec leur entourage. Eh bien, nous disons merci à Aubin Nyonghuru et à son hôte pour cette chronique. Avant de clôturer ce journal, rappelons les titres de cette édition. Évaluer comment les associations sans but lucratif fonctionnent est l'objectif de la réunion qui se tient ce mercredi à Kayanza entre le ministère de l'Intérieur et ses associations. Une étude de fonctionnement de ces associations sera bientôt menée pour leur évaluation. L'exportation et l'importation des cultures seront désormais réglementées par un document spécifique du ministère en charge de l'agriculture, un document qui sera délivré à partir du mois de janvier de l'année prochaine dans le cadre du guichet unique électronique. La chronique parlera sûrement de ce mercredi. Nous vous avons entretenu sur la façon de créer des témoins actifs en milieu scolaire pour lutter contre les messages de haine. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Albert Ndouaï assurait la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Armel Moutore. Au revoir.